En couleur, en couleur, en relief, en relief, et en stéréo, en stéréo. Voici le grand spectacle des vibrations, vibrations. Préparez-vous à perdre totalement le contrôle de vos sens. Le laser s'incruste dans le polychlorure. Les valeurs ont changé. Vous êtes maintenant gouverné par la musique.